une langue Chanel, une psalmodie soupie, quelques baisers, une prière délicieuse, un mont Véniel et quelques baisers sulfureuses. Dis-tu de messe dévouée selon ton désir? Au saint, ils n'ont pas de bénédiction à dire, ni hostie à donner, ni gouverne amoureuse. Galima, tiens, liturgie, scène malicieuse. Prosopopée en la sacristie à bâtir. Ni marotte en une autre sacrée à tenir. Ni manteau d'hermine, soutane à soutenir. Derrière les persiennes, le péché voyeur n'aura plus ainsi parlotte ni litanie, ni dévotion, ni propos funèbres exaltés à entendre jurer pendant que Satan rit.